Alléluia. Listen to me very carefully, precious people. Écoutez-moi très attentivement, précieux peuple. November 1, le 1er novembre 2006, at 3 a.m. in the morning, à 3 heures du matin, God Almighty, le Dieu Tout-Puissant, the Father of our Lord Jesus, le Père de notre Seigneur Jésus, he spoke with me, il a parlé avec moi by visions, par des visions and by voice, et à haute voix. And in that vision, et dans cette vision, the Lord, le Seigneur, in the direction facing east, dans la direction de l'Est, il a ouvert les cieux. He opened heaven in the vision. Il a ouvert les cieux dans la vision. And the glory of God began to come out of heaven. Et le Dieu glorieux a commencé à sortir des cieux. And then he led two wedding rings. Et ensuite, il a montré deux anneaux de noces. Two golden wedding rings. Deux anneaux de noces en or. Very glorious. Très glorieux. Very mighty. Très puissant. Il les a montrés à l'entrée des cieux qu'il a ouverts et il les a placés là. Il a commencé à les tourner. Saisissez ceci. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur TPN. Vous ne l'aurez pas dans Destar. Et vous ne l'aurez pas sur le channel Dieu. This was direct from the throne of God. C'était direct du trône de Dieu. And he lowered the two wedding rings. Et il a montré les deux anneaux de noces into the sky. Dans le ciel. And he began to tilt them. Et il a commencé à les tourner. In that vision of God. Dans cette vision de Dieu. After that, après cela, the voice of the Lord said, la voix du Seigneur a dit, from today on, dès aujourd'hui, toute autorité dans les cieux et l'autorité sur la terre a été donnée à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. And he said, authority given to Christ Jesus. Et il a dit, toute autorité a été donnée à Jésus-Christ. In that vision, dans cette vision, after that, après cela, he said, il a dit, look and see, regardez voir who is seated on the white horse, qui est assis sur le cheval blanc. And I remember when I looked above the two wedding rings. Et je me souviens quand j'ai regardé au-dessus des deux anneaux de noces, inside heaven, à l'intérieur des cieux, I saw the mighty white glorious horse. J'ai vu le puissant, glorieux cheval blanc. And he was very steady, et il était très énergique, ready to go, prêt à partir. And then, et ensuite, at that time, pendant ce temps, the voice of the Lord said, la voix du Seigneur a dit, go tell these people, va dire à ce peuple to prepare for the coming of the Lord, de se préparer pour la venue du Seigneur. Let's begin from here. Commençons par là. There is a lot of conversation after that. Il y a beaucoup de conversations après cela, including July 29, le 29 juillet inclus. When I was in South Africa, heading to Venezuela. Quand j'étais en Afrique du Sud, me dirigeant vers le Venezuela. But let's begin from here. Mais commençons par là. What is the message to the church? Quel est le message pour l'Église? Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. Our Lord Jesus, notre Seigneur Jésus, when he came, quand il est venu, delivered the church on the cross, délivrer l'Église sur la croix, abusé, torturé, they even spat on his face. Ils ont même craché sur son visage. After 3 days, après 3 jours, he resurrected. Il est ressuscité. And when he resurrected, et quand il est ressuscité, he resurrected. Il est ressuscité. He lives. Il vit. He lives. Il vit. But listen. Mais écoutez, after resurrection, après la résurrection, he went with his disciples, il est allé avec ses disciples on the Mount of Olives, au mont des Oliviers. And now the eastern slope, et maintenant, le versant oriental, the western slope faces Jerusalem, le versant ouest faisant face à Jérusalem. But the eastern slope of the Mount of Olives, mais le versant oriental du mont des Oliviers, faces the Dead Sea and the rest, faisant face à la mer morte et au reste. And when he was standing there after resurrection, et quand il était là, debout après la résurrection, with his disciples, avec ses disciples, he promised them, il leur a promis that he would come back, qu'il reviendra for the church, pour l'Église, that he was going to come back, qu'il va revenir pour prendre l'Église. Mais ce jour a été décrit dans la Bible comme le jour des noces de l'agneau. Je vous enseigne à partir de base. Qu'est-ce que Jésus a promis? De revenir pour l'Église aux noces de l'agneau. La Bible dit, il va revenir comme un voleur à l'heure de minuit, quand personne ne s'y attend, et voler l'Église. Mais écoutez, avant que j'aille à la Bible, le Dieu Tout-Puissant, chaque fois qu'il parle, chaque fois que Jéhovah parle, vous devez le trouver dans la Bible. En fait, si vous ne le trouvez pas dans la Bible, Dieu n'a pas parlé. Et c'est pourquoi il y a eu tellement de confusion dans l'Église parce que vous n'avez pas utilisé la Bible comme un miroir. Alors, toute chose que le Seigneur dit doit être dans la Bible. Ça met dehors les faux prophètes. Numéro 2. Chaque fois que Jéhovah parle, il centralise toujours la sainteté de Dieu dans l'Église. La sainteté de Dieu dans l'Église. Ça, c'est ce dont il parle toujours. Et c'est pourquoi il y a une controverse maintenant entre le Seigneur et l'Église. C'est à propos de la sainteté de Dieu. C'est à propos du retour du Seigneur. Numéro 3. Chaque fois que le Seigneur parle ou envoie un messager, il ne vient pas pour construire son propre royaume. Il ne vient pas pour construire un royaume terrestre. Il désigne toujours la venue du Messie. Il désigne toujours la venue du roi. Il ne vient jamais pour construire un royaume humain dans l'Église. Parce que ce que vous voyez maintenant dans l'Église est faux. L'argent, le système des richesses et toutes choses, les avions privés. Écoutez-moi, précieux peuple. Chaque fois que le Seigneur parle, c'est à propos du royaume de Dieu. Alors, quel est le message des deux anneaux de noces que le Seigneur m'a envoyé apporter à l'Église? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, les versets 6 à 9, le Saint-Esprit célèbre célèbre les noces de l'agneau de Dieu. Et il dit que lorsqu'il s'agit du jour des noces de l'agneau, toute chose dans le ciel s'arrête complètement. Et la phénoménale et la très grande célébration consume les cieux. Pourquoi? Il dit, parce que les noces de l'agneau se rapprochent. Et la Bible dit, réjouissons-nous et soyons heureux et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Si vous suivez attentivement, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit célèbre les noces de l'agneau quand ça arrive? Parce que il dit, car son épouse s'est préparée elle-même. Ça, c'est le message que je vous apporte. Dieu dit, time is out. Le temps est passé. Every time there is going to be a wedding. Chaque fois qu'il va y avoir un mariage and the wedding rings are ready. Et que les anneaux de noces sont prêts, that means the preparations for that wedding. Ça signifie que la préparation pour ce mariage has been finalized. A été terminée. That means any moment now it can happen. Ça signifie que à tout moment maintenant, ça peut arriver. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. The wedding rings are ready. Les anneaux de noces sont prêts. Le message de semer une graine, c'est du diable. The true message is this one here. Le message véritable, c'est celui-ci, ici. The message of prosperity is from the devil. Le message de la prospérité est du diable. The true message is to prepare. Le message véritable, c'est de se préparer. Because the Bible says, parce que la Bible dit church, que lorsque l'Église, the bride of Christ, l'épouse de Christ, has finally won, a finalement vêtu, has put on, a mis fine linen, du fin lin, bright and clean, éclatante et pure, and heaven begins to celebrate. Que les cieux commencent à célébrer. Heaven begins to celebrate. Les cieux commencent à célébrer. When the church, quand l'Église has prepared herself, s'est préparée elle-même for the wedding of the Lamb. Pour les noces de l'agneau. That's why he sent me. C'est pourquoi il m'a envoyé. To invite you to the wedding. Pour vous inviter au mariage. Listen to me. Écoutez-moi. Why does heaven celebrate? Pourquoi est-ce que les cieux célèbrent? When the church is wearing fine linen, bright and clean. Quand l'Église porte du fin lin éclatant et pur. Let me share with you this. Laissez-moi partager avec vous ceci. When Jesus died at Calvary, quand Jésus est mort au calvaire, the devil laughed. Le diable a ri. The way he was abused, la manière dont il a été abusé, the devil laughed. Le diable a ri. And Jesus went to heaven. Et depuis qu'il est allé au ciel, he has been sitting in the right hand side of the Father. Il a été assis à la droite du Père. And since then, et depuis là, heaven has been waiting. Les cieux ont attendu. Where is the fruit of the cross? Où est le fruit de la croix? Where is the salary of the cross? Où est le salaire de la croix? Where is the payment of what you did on the cross? Où est le paiement de ce que tu as fait à la croix? If you don't enter the rapture, si vous n'êtes pas enlevé, the devil will laugh again. Le diable va encore rire. That's why God has sent me to you. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers vous. Pour que Jésus ne soit pas encore humilié. Écoutez, précieux peuple. Il dit, le ciel attend que le jour où l'Église se préparera et vêtira la justice et vêtira la sainteté que les pasteurs n'aiment pas prêcher. Et maintenant la Bible dit, faites tous vos efforts pour vivre en paix. Écoutez-moi. Si vous n'entrez pas, Jésus aura encore honte, encore humilié. Pourquoi? Parce que la Bible dit, parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Écoutez, précieux peuple. Je vous vois dans la rue. Quelquefois, je regarde les femmes qui sont chrétiennes dans la rue. Et vous voyez, elles marchent littéralement nues. Et maintenant, la Bible dit, votre corps est le Saint-Temple du Saint-Esprit. Alors, honorez Dieu avec votre corps. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 5, 27 et 28, que quiconque regarde à une femme et la convoite, il a déjà commis adultère avec elle. Écoutez, précieux peuple, pourquoi est-ce que vous marchez nu? Et encore, les noces de l'agneau se rapprochent. Et encore, les anneaux de noces sont prêts. Et encore, sans justice, you cannot see the kingdom of God. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. And yet without holiness, et encore sans sainteté, you cannot see the Lord. Vous ne pouvez pas voir le Seigneur. So when the Lord presented the wedding ring, alors quand le Seigneur a présenté les anneaux de noces, the message is this. Le message est ceci. It is time to purify the church. C'est le moment de purifier l'Église. It is the dispensation. C'est la dispensation. The dispensation. La dispensation for purification de la purification has arrived. Est arrivée. That now you may repent. Que maintenant vous pouvez vous repentir. And have a repentance revival. Et avoir un renouveau de repentance. Only repentance. Seule la repentance can return you to the Lord. Peut vous ramener au Seigneur. Only repentance. Seule la repentance can remove the stains. Peut enlever les taches. Can remove the wrinkles. Peut enlever les rides on your wedding gown. Sur votre robe de mariée that you received que vous avez reçue when Jesus died on the cross. Quand Jésus est mort sur la croix that you received que vous avez reçue when you became a Christian. Quand vous êtes devenu chrétien. Everyone who becomes a Christian. N'importe qui devient chrétien become the child of God. Devient un enfant de Dieu. But the question is, mais la question est are you able to keep on? Êtes-vous en mesure de la garder? To keep the gown white and clean. De garder la robe blanche et propre? So it may be entry for you to heaven. Alors, ça peut être pour vous l'entrée au ciel. It may be your passport to heaven. Ça peut être votre passeport pour le ciel. It may be your avenue to the kingdom of God. Ça peut être votre avenue pour le royaume de Dieu. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. I have seen the rapture of the church. J'ai vu l'enlèvement de l'église. He showed me how he's coming for the church. Il m'a montré comment il vient pour l'église. And when I looked at the wedding rings, et quand j'ai regardé les anneaux de noces, they are very identical. Ils sont très identiques. And they are very pure. Et ils sont très purs. The gold used. L'or utilisé must have been purified by so much fire. Doit avoir été purifié par tellement de feu. We know that when you burn gold through fire, nous savons que quand nous brûlons l'or à travers le feu, the iron comes out. Le fer en sort. There's aluminium out. L'aluminium sort. The bronze out. Le bronze sort. The impurities leave. Les impuretés partent. It may be a big piece like this. Ça peut être une grosse pièce comme ceci that made up with a very small piece. Qui devient une très petite pièce. Or the true value of that gold. De la vraie valeur de cet or. The same thing has come to the church. La même chose est arrivée à l'église. There has been so much yeast in the church. Il y a eu tellement de levure dans l'église. In the bread in the church. Dans le pain de l'église. And the bread is swollen. Et le pain est enflé. The bread is corrupt. Et le pain est corrompu. The bread in the church. Le pain dans l'église. It is full of corruption. Il est plein de corruption. And so the Lord is saying, alors le Seigneur dit, he wants to get the true value of the church. Il désire avoir la vraie valeur de l'église. The purpose of the fire of the Holy Spirit. Le dessein du feu du Saint-Esprit is to purify the church. Est de purifier l'église. Remember, he promised a lot of visitation. Souvenez-vous, il a promis la visitation finale. Days, que dans les derniers jours, the fire of the Holy Spirit, il enverra le feu du Saint-Esprit to purify the church, pour purifier l'Église. So he may end up with the remnant church. Alors il peut se retrouver avec l'Église restante. And the remnant church et l'Église restante walks on the narrow road, marche dans le chemin étroit. Which is not qui n'est pas populaire. There are no discos on that road. Il n'y a pas de disco dans ce chemin. The Holy Spirit has been poured here. Le Saint-Esprit a été déversé ici. And when the Holy Spirit comes, et quand le Saint-Esprit vient, he brings the wisdom of God. Il amène la sagesse de Dieu into the church. Dans l'église. That is the wisdom of God. Quelle est la sagesse de Dieu? Precious people. Précieux peuple. That is the fear of the Lord. C'est la crainte du Seigneur. I have come to tell you, je viens pour vous dire that the Messiah is coming. Que le Messie vient. Please prepare the way. S'il vous plaît, préparez le chemin. That he may find you ready. Pour qu'il puisse vous trouver prêt. The bridegroom is coming. L'époux vient. The Messiah, the king. Le Messie, le roi. The Lord of Lords. Le Seigneur des Seigneurs. The one who died for you. Celui qui est mort pour vous. The one you worship every day. Celui que vous adorez chaque jour. You don't want to miss him when he comes. Vous ne voulez pas être oublié quand il vient. I have come to announce to you. Je suis venu pour vous annoncer the coming of the Messiah. La venue du Messie. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? I've been announcing across the nations of the earth. Je l'ai annoncé à travers les nations de la terre. But today, mais aujourd'hui, the light of the Lord, la lumière du Seigneur is chasing the darkness. Fait cesser les ténèbres. The light of God, la lumière de Dieu is reviving the church. Réveille l'Église. It is bringing wisdom. Cela apporte la sagesse to you, the church. À vous, l'Église. So when he showed the wedding ring, alors quand il a montré les anneaux de noces, the message is clear. Le message est clair. Prepare in holiness. Préparez-vous dans la sainteté. The Bible, la Bible, is the mirror. C'est le miroir. When you stand in front of the mirror, quand vous vous tenez devant le miroir, if there is a stain, s'il y a une tache on that wedding gown, à cette robe de noces, the Bible will show it to you. La Bible vous la montrera. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Listen, pastors. Écoutez, les pasteurs. This is end revival. C'est le réveil de la fin. Like you have heard and seen, comme vous avez entendu et vu, it is bigger than what you thought. C'est plus grand que ce que vous aviez pensé. Only one blind person. Seulement une personne aveugle to be healed in a church. Qui est guérie dans l'église. Oh, my Lord. Oh mon Seigneur. To be healed in a meeting. Être guéri dans un rassemblement. The pastor will take a big sack. Les pasteurs vont prendre un grand sac and pass it for offering. Et vont le passer pour l'offrande. They would have become very wealthy. Ils vont devenir très riches. Look now. Regarde maintenant. All for the glory of the Lord. La gloire du Seigneur aussi it's not for money anymore. N'est plus pour de l'argent. That tells you ça vous dit that the dispensation has changed in the church. Que la dispensation a changé dans l'église. And you see not one, many were healed. Et vous voyez, pas seulement un, beaucoup ont été guéris. The outpour le déversement is here. Est ici. Why? Pourquoi? Because the wedding rings, parce que les anneaux de noces, they are spiritual wedding rings. Ils sont des anneaux de noces spirituels. That means the Lord is telling me, ça signifie que le Seigneur me dit, go ask the church, va et demande à l'église, are you walking in flesh? Pourquoi tu marches dans la chair? So much flesh and blood. Tellement de chair et de sang. And yet the wedding of the lamb, et encore les noces de l'agneau is a spiritual wedding. Est un mariage spirituel. Jesus Christ, Jésus Christ is the spirit-filled man. Est l'homme rempli de l'esprit. The kingdom of God, le royaume de Dieu is a spiritual kingdom. Est un royaume spirituel. And he says, et il dit, even the wedding rings, même les anneaux de noces, they are spiritual wedding rings. Sont des anneaux de noces spirituels. Alors vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit pour que vous puissiez entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi, précieux peuple. Si vous regardez attentivement dans Zacharie chapitre 13, les versets 7 à 9, it talks about purifying the remnant. Parle à propos de purifier le restant. These are the days when you need to choose only Jesus. Ce sont les jours où vous avez besoin de choisir seulement Jésus. If you are an accountant, si vous êtes un comptable, and your company is telling you to lie, et que votre compagnie vous dit de mentir, refuse it, refusez-le and tell him, et dites lui, these are the days, ce sont les jours when I choose only Jesus, où je veux choisir seulement Jésus. Listen to me. Écoutez-moi. If you are a lawyer, si vous êtes un homme de loi, a criminal lawyer, un avocat pour les criminels, and your job, et que votre travail causes you to sin by lying every day, vous demande de pécher en mentant chaque jour, this is the time, c'est le temps to tell the Lord, de dire au Seigneur but Lord, que Seigneur, these are the days, ce sont les jours you spoke about, dont tu as parlé, when I reject my work, quand je rejette mon travail Jesus, et choisis Jésus pour que je n'ai jamais besoin de mentir. If you are living today, si vous vivez aujourd'hui with a man, avec un homme, and you are not married, et que vous n'êtes pas marié, these are the days, ce sont les jours say that look, où vous devez dire, regarde, it is not well, c'est pas bien, unless à moins we repent, que nous ne nous repentions, and we are united before the Lord, et que nous soyons unis devant le Seigneur, in a holy matrimony, dans un mariage saint. These are the days, ce sont les jours when if your boss, si votre patron is asking you for sexual sin, vous fait des propositions sexuelles, otherwise he will fire you. Sinon il vous congédiera, otherwise he will not promote you. Sinon il ne va pas vous promouvoir. Then tell him, alors dites-lui, these are the days, ce sont les jours when I will walk in the streets, où je marcherai dans les rues, and you may think I'm alone, et vous pouvez penser que je suis seul, but I will walk with the Lord. Mais je marche avec le Seigneur. Et le Seigneur est celui qui pourvoit pour moi. Il va prendre soin de moi. Écoutez, précieux peuple. C'est comment purifier l'Église. En rejetant le péché. En se détournant du péché. Purifier de tout mal. Et choisir Jésus. Ça, c'est le renouveau de la repentance dont la Bible parle. Le renouveau de la fin des temps. C'est supposé être le renouveau de la repentance. Parce que c'est un renouveau de sainteté. Pourquoi? Parce que c'est aussi le renouveau du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il va toujours révéler plus à propos de la personne de Christ à l'Église. Et plus il vous révèle, plus vous comprenez que Jésus est saint, saint, saint. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, will always expose sin, exposera toujours le péché. That is the way, ça c'est la manière, the Holy Spirit, dont le Saint-Esprit will prompt, demandera, will invoke, provoke, va invoquer, provoquer, the end-time repentance revival, le renouveau de repentance de la fin des temps. By exposing sin, en exposant le péché. Then you may know what to turn away from. Pour que nous puissions savoir de quoi nous détourner. In the past, si le passé, the pastor did not teach you this, si le pasteur ne vous a pas enseigné cela, they cared about how much money you bring in the church. Il s'intéresse à savoir combien d'argent vous amenez dans l'église. But now God cares. Mais maintenant Dieu prend soin. He has sent me here. Il m'a envoyé ici to tell you, pour vous dire, I care. Je prends soin. Your salvation, votre salut, was purchased, était racheté at a very high price, à un très grand prix. I care. Je prends soin. Your salvation, votre salut, was purchased, a été racheté at a price, au prix of the blood of my son, du sang de mon fils. And so I care. Alors je prends soin. You must enter. Vous devez entrer. Parce que vous avez vêtu l'image de Dieu. Si vous n'entrez pas, le diable va se moquer de Jésus. Alléluia. Alléluia. The message of the wedding rings. Le message des anneaux de noces. It has brought big revival in India. A juste apporté un grand réveil en Inde. Since when? Depuis quand? Did nations prepare? Est-ce que les nations se préparent? To receive the message of the wedding ring. À recevoir le message des anneaux de noces. Listen to me. Écoutez-moi. The message of the wedding ring. Le message des anneaux de noces is that now, et que maintenant you may prepare, vous puissiez vous préparer by rejecting sin, en rejetant le péché and enter, et en entrant on that day, en ce jour. But listen to me. Mais écoutez-moi. The Bible says, la Bible dit, like it was, comme c'était during the time of Noah, du temps de Noé, if you read the Bible, si vous lisez la Bible, Matthieu 24, verse 36 on, le verset 36 et suivant, like it was during the time of Noah, comme il en était du temps de Noé, so will it be at the coming of the Son of Man. Ainsi il en sera à la venue du Fils de l'homme. The time of Noah, le temps de Noé. People loved sin. Les gens aimaient le péché. Like you see the church today. Comme vous voyez l'église aujourd'hui. The truth has come. La vérité est venue. And that truth, et cette vérité will set you free. Va vous rendre libre. That now, pour que maintenant you may reject sin. Vous puissiez rejeter le péché. During the time of Noah, pendant le temps de Noé, they hated righteousness. Ils détestaient la justice. They were busy dancing in the church. Ils étaient occupés à danser dans l'église. They were eating and not fasting. Ils mangeaient et ne jeûnaient pas. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. At the time of Noah, au temps de Noé, in Genesis chapter 7, verse 16, dans Genèse chapitre 7, verset 16, he says, il dit, the animals getting in were male and female. Les animaux entrèrent mâle et femelle. And the Noah family also entered. Et la famille de Noé est entrée aussi. And the Bible says, et la Bible dit, and the Lord, et le Seigneur shut the door. Ferma la porte. Not Noah, ça n'est pas Noé. And the Lord, et le Seigneur shut the door. Ferma la porte. Like it was during the time of Noah. Comme il en était du temps de Noé, so will it be. Ainsi il en sera à la venue du Fils de l'homme. Après le peu, the remnant, le restant, the Holy Church, la Sainte Église, the one who has been abused every day, celle qui a été abusée chaque jour. If you choose Jesus today, si vous choisissez Jésus aujourd'hui, you become unpopular with the world. Vous devenez impopulaire avec le monde. That's why I have been walking alone. C'est pourquoi j'ai marché seul. In every country I go to, et dans toutes les contrées où je vais, I go with the Lord. Je vais avec le Seigneur. And he heals them. Et il les entend. Delivers them in large numbers. Et il les délivre en grand nombre. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. And the Lord shut the door. Et le Seigneur ferma la porte. Même le jour de l'enlèvement, après que le restant soit entré, le Seigneur va fermer la porte. Comme il en était du temps de Noé. Et beaucoup ont crié, maintenant, ouvre-nous. Mais le Seigneur a fermé la porte. Mais aujourd'hui, the door is still open. La porte est encore ouverte. You can enter. Vous pouvez entrer. You can literally enter into the kingdom. Vous pouvez littéralement entrer dans le royaume. If you look at chapter 3, Zachariah, si vous regardez au chapitre 3 de Zacharie, he talks about the wedding gown. Il parle à propos de la robe de mariée. From verse 1 to verse 7, du verset 1 au verset 7. He says, when Joshua appeared before the Lord, il dit, quand Josué est apparu devant le Seigneur, Satan est aussi apparu à sa droite et commença à réclamer des droits sur Josué. Et Satan disait, il est mien. Et le Seigneur dit que lorsqu'il a enlevé les habits sales, l'habit plein de péchés que Josué avait mis, et le turban sale. Then, ensuite, the devil disappeared. Le diable a disparu. Never ever do you hear again in the Bible. Plus jamais vous n'entendez encore dans la Bible. After he replaced the clothes of Joshua, après qu'il ait remplacé les habits de Josué, that the devil came back to claim right. Alors, plus jamais le diable n'est revenu pour réclamer des droits. That is what you see in the church today. C'est ce que vous voyez dans l'église aujourd'hui. The church is wearing the identity marks of the devil. L'église a revêtu des marques d'identité du diable. Like homosexuality. Comme l'homosexualité. It is in the world. C'est dans le monde. As the mark of the devil. Comme une marque du diable. It is also in the church. C'est aussi dans l'église. Abortion is in the world. L'avortement est dans le monde. And pastors are making worship leaders abort in the church. Et les pasteurs font que les conducteurs de louanges avortent dans l'église. There is abortion in the world. Il y a de l'avortement dans le monde. Abortion in the church. De l'avortement dans l'église. Witchcraft in the world. La sorcellerie dans le monde. Witchcraft in the church. La sorcellerie dans l'église. Love of money in the world. L'amour de l'argent dans le monde. Love of money in the church. L'amour de l'argent dans l'église. Right now, juste maintenant, the church is wearing filthy garments. L'église porte des vêtements sales. that have the marks of the devil. Qui ont les marques du diable. That's why the devil is claiming right. C'est pourquoi le diable réclame des droits. So, no, this is mine. Disant, non, c'est à moi. We used to dance together in the disco. Alors nous avons l'habitude de danser ensemble dans les discos. But don't you remember in the church? Mais si vous vous souvenez dans l'église, we were lost in that woman together. Nous avons convoité cette femme ensemble. The devil is claiming the church today. Le diable réclame l'église aujourd'hui. You can literally repent. Vous pouvez vous repentir littéralement. And the Lord will restore your garment. Et le Seigneur va vous restaurer un vêtement. And the devil will never claim you again. Et le diable ne va plus vous réclamer. The Bible says, la Bible dit, Genesis 1:26, dans Genèse 1:26, God said, Dieu a dit, in a conversation, dans la conversation between God the Father, entre Dieu le Père, God the Son, Dieu le Fils and God the Holy Spirit, et Dieu le Saint-Esprit, he said, il a dit, let us make man, faisons l'homme in our own image, à notre propre image and likeness, et ressemblance. That's why the two wedding rings are identical. C'est pourquoi les deux anneaux de noces sont identiques. C'est pourquoi les deux anneaux de noces sont identiques. Parce que quand ils l'ont créé, ils avaient l'intention que vous portiez l'image et la ressemblance de Dieu. Mais nous savons que l'image de Dieu ne meurt pas. Nous savons que l'image de Dieu est impérissable. Nous savons que l'image de Dieu est sans péché. Ça signifie nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit. Il va nous donner le pouvoir de vaincre le péché. Je désire que vous sachiez ce que je sais à propos du Saint-Esprit. Littéralement, quand je vais à des rassemblements, la nuit précédente, même deux jours avant, il me montre dans un rêve où il va se mettre. Le Saint-Esprit, il peut avoir littéralement une relation personnelle avec vous et vous aider à vaincre le péché. La Bible dit que celui qui a aidé Jésus à vaincre le péché et à vaincre la mort est disponible pour vous, pour que vous aussi vous puissiez vaincre le péché. J'ai beaucoup à partager sur les anneaux de noces, mais il y a tellement de visions que j'aimerais partager. L'autre chose que j'aimerais partager à propos des anneaux de noces, la dernière, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 50 à 56, il dit, je vous dis la vérité, frère, que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça signifie, vous avez besoin de vous détourner de vivre selon la chair. Comment est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? En étant assuré que vous êtes entièrement baptisé par une immersion complète. En vous assurant de prier et de jeûner. Il dit, demandez seulement. Et ensuite, je vais venir en vous. Le Père a promis. Mais aujourd'hui, les faux apôtres, ils vendent l'onction du Saint-Esprit. Ils vendent des bouteilles. Et ils disent, une, c'est une onction. Si vous en achetez une autre, deux sortes. Two of them, deux d'entre elles. They say you get a double portion. Ils disent vous avez une double portion. That is a lie. Ça c'est un mensonge. Nobody can sell the anointing of the Holy Spirit. Personne ne peut vendre l'onction du Saint-Esprit. The truth has come. La vérité est venue. You cannot buy bottles of anointing from the TV. Vous ne pouvez pas acheter des bouteilles d'onction de la télévision. That is the deception of the last days. Ça c'est la tromperie des derniers jours. When Jesus in Matthew 24 spoke about his return. Quand Jésus dans Matthieu 24 a parlé à propos de son retour, he said, "Be careful that you are not deceived." Il a dit, prenez garde de ne pas être trompé. Because many will come and deceive. Parce que plusieurs viendront et vous tromperont. They will deceive you claiming they are the Christ. Ils vont vous tromper en disant qu'ils sont le Christ. The key word is deceive, deceive, deceive. Le mot-clé est tromperie, tromperie, tromperie. The dispensation of deception. La dispensation de la tromperie. That is where we are today. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Never, ever buy the blood of Jesus. N'achetez jamais, jamais le sang de Jésus. Never buy healing. N'achetez jamais la guérison. Jesus paid the full price. Jésus a payé le prix complet. Let me jump a little bit. Laissez-moi sauter un peu. After that, après cela, he spoke to me about the rapture of the dead. Il m'a parlé à propos de l'enlèvement des morts. And you see it in Daniel chapter 12. Et vous le voyez dans Daniel chapitre 12. And Isaiah chapter 26. Et dans Ésaïe chapitre 26. Verses 19 to 21. Les versets 19 à 21. And Isaiah, when he saw the rapture of the dead. Et Ésaïe, quand il a vu l'enlèvement des morts, he celebrated the morning dew. Il a célébré la rosée du matin, which is the latter visitation. Qui est la dernière visitation. And he said that when it comes, et il a dit que lorsqu'elle vient, the earth cannot conceal her slain any longer. La terre ne couvrira plus les meurtres. She cannot even hide the blood that was ever shed on her. Elle ne peut même pas cacher le sang qui a jamais été versé sur elle. That means when the Holy Spirit visits in these latter days. Ça signifie que lorsque le Saint-Esprit visite en ces derniers jours, he will expose all sin. Il va exposer tous les péchés. After that, après cela, then on the 3rd of May, ensuite, le 3 mai 2007, à 5h37 du matin, again the Lord came and spoke with me about the coming of the Messiah. Encore le Seigneur a parlé avec moi à propos de la venue du Messie. What did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? He opened heaven, il a ouvert les cieux, and he lowered the golden clock. Et il a montré la pendule en or. And when I looked at the clock, et quand j'ai regardé la pendule, I panicked. J'ai paniqué. Because it was 1 minute to midnight. Parce que c'était une minute avant minuit. And then the voice said, et ensuite la voix a dit, go tell these people, va et dis à ce peuple to prepare for the coming of the Lord. De se préparer pour la venue du Seigneur. When Jesus talked about his return, quand Jésus a parlé à propos de son retour, in the wedding of the Lamb, aux noces de l'agneau, he equalized it to a parable. Il l'a égalisé avec une parabole. In the book of Matthew 25, dans le livre de Matthieu 25, verses 1 to verse 13, les versets 1 à 13, he said it will be like 10 virgins. Il a dit que ça va être comme 10 vierges. 5 will be foolish. 5 vont être folles. 5 will be wise. 5 seront sages. And the wise enter. Et les sages sont entrés. How many want to be like the wise? Qui désire être comme les sages? Okay, now let us look at the wise. Maintenant, regardons aux sages. What makes them different from the foolish? Qu'est-ce qui fait la différence avec les folles? The wise virgins. Les vierges sages, when they received the Lord, quand elles ont reçu le Seigneur, they carried the jar of oil. Elles ont pris les vases d'huile. That is the anointing of the Holy Spirit. Ce qui est l'onction du Saint-Esprit. Only the Holy Spirit. Seul le Saint-Esprit has been given authority. A reçu l'autorité pour préparer l'Église pour la venue du Seigneur. Les vierges sages, quand elles reçoivent le Seigneur, l'Église sage, ils reçoivent le Seigneur et reçoivent le Saint-Esprit. Et ensuite, ils marchent dans la crainte du Seigneur. C'est pourquoi ils sont sages. La crainte du Seigneur est le commencement de toute sagesse. Mais les vierges folles n'ont pas le Saint-Esprit sur elles. Numéro 2. Les vierges sages, elles se sont réveillées et ont préparé leurs lampes. Mais les vierges folles, dans cette dernière minute, elles sont allées à TBN. Elles appellent pour acheter de l'huile. They are calling Christian television. Elles appellent une télévision chrétienne. Give me item number 135, catalogue number 5. Donne-moi l'article numéro 135 du catalogue numéro 5. They went to buy oil. Elles sont allées acheter de l'huile. And if you see the secret, et si vous voyez le secret that Jesus left in that scripture, que Jésus a laissé dans ce texte about his return, à propos de son retour, he said, il a dit, when the foolish virgins went to buy, quand les vierges folles sont allées acheter the oil, l'huile, then the Messiah came. Alors le Messie est venu. Right now, juste maintenant, the church has gone to buy. L'église a été achetée. The Christians are buying prayer shawls. Les chrétiens achètent des châles de prière. Si j'achète cela, je vais avoir la même onction que cet homme. They are buying bottles of oil. Elles achètent des bouteilles d'huile. They are buying pieces of artifacts on people's desks. Elles achètent des articles sur le bureau des gens. Someone says, this one is on my table. I just removed it from my table. Quelqu'un dit, celui-ci, c'est de ma table. Je l'ai juste pris sur ma table. You can buy it now. It's a special offer. Vous pouvez l'acheter maintenant. C'est une offre spéciale. They say, ils disent, you buy this one. This is the offer for today. Vous achetez celui-là. C'est l'offre pour aujourd'hui. Then I'll give you this one here as a bonus, gratis. Et je vais vous donner celui-là en bonus, gratuitement. The church is buying and selling. L'église achète et vend. And the Muslims are laughing. Et les musulmans rient. The Hindus are laughing. Les hindous rient. Remember the Hindus, they worship wood. Souvenez-vous, les hindous adorent le bois. But the Hindus, mais les hindous, in their idolatry, dans leur idolâtrie, they dress better than the Christians. Ils sont juste mieux que les chrétiens. The truth has come today. La vérité est venue aujourd'hui. He spoke with me about the clock. Il m'a parlé à propos de la pendule. That means the new day has arrived. Ça signifie qu'un nouveau jour est arrivé. We have been in a lot of darkness in the church. Nous avons été dans beaucoup de ténèbres dans l'église. But the new day that is coming, mais le nouveau jour qui vient, we are at the brinks. Nous sommes au bord. That day is a day of light. Ce jour est le jour de la lumière. It's a day of glory. C'est le jour de la gloire. Because the Messiah comes in his glory. Parce que le Messie vient dans sa gloire. And if he finds you not ready, et s'il ne vous trouve pas prêt, you will be literally naked before him. Vous allez être littéralement nu devant lui. The Bible says, la Bible dit, behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. And blessed is he who stays awake. Et béni soit celui qui reste éveillé. And keeps his clothes with himself. Et qui garde ses habits sur lui. That he may not go naked. Pour qu'il puisse ne pas aller nu. And be shamefully exposed. Et être honteusement exposé. I want to jump. Je veux sauter. On 19th of August, 2008, le 19 août 2008, he spoke with me about the coming of the Messiah again. Il m'a parlé encore à propos de la venue du Messie. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? I saw the third living creature around the throne of God. J'ai vu la troisième créature vivante autour du trône de Dieu. And he came towards me. Et il est venu vers moi. After I had seen his face. Après que j'ai vu sa face. Then he released the black horse. Ensuite, il a relâché le cheval noir. And the black horse. Et le cheval noir. I saw the rider taking him across the earth. Et j'ai vu le cavalier l'amener autour de la terre. And then I came out of that dream. Et ensuite, je suis sorti de ce rêve. And went to Nakuru. Et je suis allé à Nakuru. August 23rd. Le 23 août. Saturday. Un samedi. August 24th. Le 24 août. Sunday. Un dimanche. 2008. 2008. And I began to prophesy. Et j'ai commencé à prophétiser. The coming of a global economic crisis. La venue de la crise économique mondiale. Why did I say so? Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? I said global famine. J'ai dit une famine mondiale. And global economic crisis. Et une crise économique mondiale. Because when I woke up from that dream, parce que quand je me suis réveillé de ce rêve, I found it in Revelation chapter 6. Je l'ai trouvé dans Apocalypse chapitre 6. That when the lion broke the third seal, que lorsque l'agneau brise le troisième sceau, when the lamb opens the third seal, quand l'agneau ouvre le troisième sceau, a black horse is released. Un cheval noir est relâché. And that black horse, et ce cheval noir, the rider, le cavalier, is carrying a scale, porte une balance, a balance, une balance à plateau. I saw the Lord say, j'ai vu le Seigneur dire, buying and selling, acheter et vendre, economy, l'économie. That's why, c'est pourquoi I was able to stand in Nakuru, j'étais capable de me tenir à Nakuru on that 23rd and 24th, en ces 23 et 24 and say there is a global economic crisis coming, et dire qu'une crise économique mondiale vient. And when we were in Canada, in Toronto, et quand nous étions à Toronto, au Canada, bring the message of the wedding rings to them, pour leur amener le message des anneaux de noces, to announce the coming of the Messiah to that nation, pour annoncer la venue du Messie à cette nation. I prophesied August, j'ai prophétisé en août, 23-24, et 23-24, October 7th, le 7 octobre, less than 2 months, en moins de 2 mois, all the global financial markets crashed, tout le marché économique mondial s'est écrasé. Until today, jusqu'à aujourd'hui, a global recession came. Une récession globale est venue. You see that there's a prophetic acceleration. Vous voyez qu'il y a une accélération prophétique. God is prophesying happening quickly. Dieu le prophétise et ça arrive vite. That means there is urgency. Ça signifie qu'il y a une urgence. But if you read Revelation chapter 6, verse 5 to 6. Mais si vous lisez l'Apocalypse chapitre 6, les versets 5 et 6, when the black horse is released, quand le cheval noir est relâché, he also talks of global famine. Il parle aussi d'une famine globale. And that's why I said global famine is coming. C'est pourquoi j'ai dit qu'une famine globale vient. That talks of serious crisis. Ça parle à propos d'une crise sérieuse. But if you look at verse 7, mais si vous lisez le verset 7, when the third seal is broken, quand le quatrième sceau est brisé, then the pale horse is released. Alors le cheval verdâtre est relâché. And when he's released, et quand il est relâché, he brings death. Il amène la mort. By the sword, par l'épée, by famine, par des famines, by the wild beasts, par des bêtes sauvages, by plague, et par des fléaux. I want to go to France first. Je désire aller en France premièrement. Again, I took this announcement of the coming of the Lord to France. Encore, j'ai amené l'annonce de la venue du Seigneur en France. But when I finished the revival, mais quand j'ai fini le réveil, on the 11th of May, that night I saw the vision of God. Le 11 mai, cette nuit, j'ai vu la vision de Dieu. I was walking in the vision, j'étais en train de marcher dans cette vision, and a lot of light came from heaven, et beaucoup de lumières sont venues du ciel, and the voice spoke, et la voix a parlé. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix a dit? He said, look and see. Il a dit, regardez, vois, what has fallen at your feet? Qu'est-ce qui tombe à tes pieds? But instead I looked up, mais à la place j'ai regardé en haut, because of the voice, à cause de la voix. But when I looked up, mais quand j'ai regardé en haut, I saw a piece of paper like a kite, j'ai vu une pièce de papier comme un cerf-volant coming down, descendre, and it fell on my right foot, et c'est tombé sur mon pied droit. When I picked it, quand je l'ai prise, I found out, j'ai trouvé that it was a handwritten note, que c'était une note écrite à la main, written by hand, écrite à la main, in a blue pen, avec une plume bleue, and written three times, et écrite 3 fois. The first one said, la première disait, I am coming. Je viens. The second one, when I read, la seconde, quand j'ai lu, it said, disait, I am coming. Je viens. The third one, la troisième, when I read, quand j'ai lu, it said, ça disait, I am coming, says the Lord. Je viens, dit le Seigneur. The Lord is coming. Le Seigneur vient. I am coming. Je viens. I am coming. Je viens. I am coming. Je viens. Says the Lord. Dit le Seigneur. Prepare the way. Préparez le chemin. The Messiah is coming. Le Messie vient. I have had the voice of the Father. J'ai entendu la voix du Père. Saying the Messiah is coming. Disant le Messie vient. When I was going to Venezuela. Quand j'allais au Venezuela. 29th of July 2009. Le 29 juillet 2009. We reached South Africa. Nous sommes arrivés en Afrique du Sud. I did not have money to enter into the hotel. Je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôtel. Because we had 24 hours to wait for the flight over the ocean across the Atlantic. Parce que nous avions 24 heures à attendre pour le vol à travers l'océan, à travers l'Atlantique. And so we asked them, please help us. Alors nous leur avons demandé, s'il vous plaît, aidez-nous. Can we sleep on your chairs here? Pouvons-nous dormir sur vos chaises ici? Gratis, free. Gratuitement? So we don't pay. Alors nous ne payons pas. They said, sleep, but don't do it again. Alors ils ont dit, dormez, mais ne le faites pas encore une fois. So we slept there for 24 hours. Alors nous avons dormi là pour 24 heures. It was hard as cement. Le ciment était dur. But I said to my team, mais j'ai dit à mon équipe, Jesus never had a home. Jésus n'a jamais eu un foyer. He was so tired. Il était si fatigué. And he used to go on the Mount of Olives. Et avait l'habitude d'aller au Mont des Oliviers. And he slept on the rock. Et il dormait sur le rocher. Listen to me. Écoutez-moi. But when I slept there, mais lorsque j'ai dormi là, in the middle of the airport, au milieu de l'aéroport, the Lord came and spoke with me. Le Seigneur est venu et a parlé avec moi about the coming of the Messiah. À propos de la venue du Messie. 29th July, le 29 juillet 2009. What did the Lord say? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Listen carefully. Écoutez attentivement. I looked there and I saw the rapture of the church. Je regardais là et j'ai vu l'enlèvement de l'église. And I saw their gowns very glorious. Et j'ai vu leur robe très glorieuse. In fact, it was long. It looked like a train of the gown. En fait, elles étaient longues et j'ai vu comme une traîne de la robe. And I saw them, they had entered heaven. Et je les ai vus entrer dans les cieux. And they were celebrating like this. Et ils célébraient comme ceci. And celebrating and worshiping and loving the Lord. Et célébrant et adorant et aimant le Seigneur. But every time they did that, et chaque fois qu'ils ont fait cela, flashes came from their gowns. Des flashs venaient de leur robe. Like camera flashes, pia, pia, pia. Comme des flashs de caméra, pia, pia, pia. Like lightning. Comme des éclairs. And then after that, et ensuite, après cela, the Lord asked me to look on my left hand side. Le Seigneur m'a demandé de regarder à ma gauche. Then I saw the pale horse coming. Alors j'ai vu le cheval verdâtre venir. And the Lord took me near the pale horse. Et le Seigneur m'a amené près du cheval verdâtre. I saw his mouth from here to the mouth. J'ai vu sa bouche de là jusqu'à la bouche. This part is glorious white. Cette partie est glorieusement blanche. And then after that, et ensuite, après cela, I woke up. Je me suis réveillé. But the cloud of darkness, mais les nuées de ténèbres that the pale horse came with, avec lesquelles le cheval pâle est venu had covered the earth. Ont couvert la terre. Listen to me, the nations of the earth. Écoutez-moi, les nations de la terre. Prepare the way. Préparez le chemin. Those who have ears. Que ceux qui ont des oreilles let them listen. Écoutent. Prepare the way. Préparez le chemin for the coming of the Messiah. Pour la venue du Messie.